temps que les gens ne le regardaient plus. Ça fait longtemps qu'il a survécu. Et lui ont mis la pression pour qu'il n'ait plus confiance en lui. Tous les jours, c'était la coupe du monde. Tous les jours, il fallait la gagner. Il ne savait pas ce que c'était le rire. Pourtant, il envoyait tous les jours avec des contenants. Il n'y avait jamais plus sorti de son arrondissement. Pourtant, il savait bien ce qui venait. D'après les cartes, il n'y retournerait jamais pour s'en aller. C'est la monnaie qui manquait. Pour en gagner, c'était les opinions des gens qu'il aurait fallu changer. Mais ce jour, comme il savait qu'il ne gagnerait jamais, il en a préféré. Il en a préféré. Les chemins des dieux sont impénétrables. Tout ce qu'on biblifie n'a pas suffi. Faut-il y croire encore un peu? Faut-il y croire encore un peu? La sainteté ne vaincra pas tous ces démons. Tous les cons, les chemins des dieux sont impénétrables. Tout ce qu'on biblifie n'a pas suffi. Faut-il y croire encore un peu? La sainteté ne vaincra pas tous les démons et tous les coups. Je n'y retournerai jamais pour s'en aller. C'était la monnaie qui manque. C'est la monnaie qu'il manquait pour en gagner. C'était l'opinion des gens qu'il aurait fallu changer. Sur un jour, c'était sourire au creux. Il en a préféré. Il savait qu'il ne gagnerait jamais. N'a pas suffi. Faut-il y croire encore un peu?